pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. On parle beaucoup de Samuel Girard, mais il y a un autre joueur qui va très très bien, qui fait fleur de tout bois avec les Marquis de Jonquière, c'est Jérémy Girard, le frère de Samuel. Il est au 8e rang des compteurs de la Ligue avec une fiche de 7 buts, 4 passes. Question de savoir un peu comment ça va, comment ça se fait qu'il a abouti à Robert Val, on lui parle. Salut Jérémy. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Jérémy, tu es 8e compteur de la Ligue avec une fiche de 7 buts, 4 passes, 11 points. Es-tu vraiment surpris de ton début de saison? Non, pas surpris de mon début de saison. Là. Moi, l'an passé, je me suis fait échanger de Robert Val à Jonquière, puis cette année, j'ai décidé de rester avec le club Blanc-Carrois. Pour une raison, on a un bon club, puis aussi, ils ont un très bon staff d'entraîneurs. Ils ont une équipe qui veut gagner à chaque année, puis ils vont toutes les années pour la Coupe. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de rester avec eux autres. Puis cette année, on a une fiche de 7 victoires, 0 défaites, encore à cette partie. Fait que pour nous, ça va super bien. OK. Pourquoi t'as été échangé? Est-ce qu'il y a des raisons? Je sais que j'ai parlé de Tony Girard dans le cadre de la chronique des Sables la semaine passée. J'ai demandé, quand tu vois une fiche de même, ça te fait pas mal au cœur, surtout que les Sables, ça va pas tellement bien. Donc, y a-t-il une raison particulière que tu t'es fait échanger l'an dernier? Non, mais y a pas de raison particulière. On s'entend. Moi, puis surtout le staff d'entraîneur, on s'entendait pas trop bien, là, puis on a voulu faire ça comme des gentlemen. Fait que on a demandé une transaction, puis Jonquière, ils m'ont eu un échange de 3 joueurs. Donc, pour les deux clubs, là, ça a été quand même une bonne échange, parce qu'il y a quand même 2 joueurs de Jonquière qui sont revenus avec eux autres cette année. Donc, okay. Bon, tout le monde a été content sur la ligne. Tu demeures encore à Robert Val? Oui, je demeure encore à Laval. OK. Jérémy, si on parlait un peu de tes compagnons de trio, j'imagine que tes compagnons de trio, est-ce qu'ils ont été stables depuis le début de l'année? Oui, je veux que William Deschaine et Édouard Labbé, on peut dire qu'on est une grosse ligne. Notre plus petit gars, il doit peser 185 livres. Oui, monsieur. Notre ligne, fait que j'aime bien notre ligne. C'est pas la plus talentueuse, mais on travaille fort, puis on fait ce qu'on a à faire. On joue contre les plus grosses lignes de bord, puis quand Bob a une mission, on l'accomplit. C'est ça que je peux dire de notre trio. OK. Qu'est-ce qui fait la force des Marquis? Bien dirigé? T'as parlé également du personnel d'entraîneur. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? C'est quoi qui fait la force des Marquis pour avoir une fiche de 7 victoires qu'une défaite? Ce qui fait la force des Marquis, ça part tout simplement d'en haut. Là. Bob Desjardins fait un excellent job qui est entraîneur-chef en arrière du banc. Il est assisté avec deux bons coachs, Robin et François. Là. Okay. Je relève mon chapeau pour ça. J'ai fait quand même plusieurs clubs dans ma vie. Je peux dire que Bob Desjardins, ça a été mon meilleur coach à date. Je regrette aucunement d'être allé avec lui. C'est lui qui m'a convaincu d'aller avec eux autres encore cette année. Puis l'an passé, quand il venait me chercher, il m'a convaincu de venir jouer avec les Marquis. Ce qui fait notre force, c'est que on est une famille. Les seuls Marquis qu'on gagne, ils ont tout le temps dit. Fait qu'on est une famille et qu'on se tient tout. OK. Il y a quand même une tradition dans le hockey régional des Marquis de Jonquière. OK. Oui, il y a une tradition. Il te reste combien de temps, Jérémy, dans l'équipe? Est-ce que c'est ta dernière année? Oui, c'est ça. Moi, je joue mon 21 ans. C'est ma dernière année en tant que joueur junior. Je joue dans le calibre junior, là, fait que j'en profite pleinement. OK. Est-ce que l'an prochain, le hockey senior, ça t'intéresserait, la Ligue du Lac-au-Fleuve? Est-ce que tu regardes ça ou il est encore trop tôt? Bon, il est encore trop tôt. Là. J'ai pas encore choisi ma décision, là, mais si je m'enligne pour jouer au hockey, ça va être dans cette ligue-là, oui. Sinon, je me concentrerai plus sur mon travail, puis on va y aller comme ça. OK. Jérémy, si on parlait un peu de Samuel, il joue ce soir en passant. C'est une bonne nouvelle. Quand son quatrième match, quatrième match avec les Predators, cinquième avec San Jose. Et il y a quelques semaines, lors du premier match de Samuel en carrière, ton père, il m'a donné une entrevue, mais il l'a pas dit à moi. Il l'a dit à Dominique Morin sur les ondes Radio X à Québec. Il m'a mentionné que tu t'étais tassé pour laisser toute la place à Samuel. Et ça avait été une décision qui avait été prise comme d'un commun accord, puis c'était même toi qui avais demandé ça. Aujourd'hui, quand tu vois ça, tu dois être fier à parler de ton frère. Oui, je serais fier. En passant, Samuel, il va jouer son cinquième match. Cinquième match. Oui, c'est ça. C'est son cinquième match qu'il va jouer. Dans le fond, nous, notre famille, on sait que l'hockey, nous autres, ça coûte cher vu qu'il faut aller jouer au Saguenay, pour le Saint-Jean. Donc, il faut payer pension, puis ça coûte, les inscriptions au hockey, ça coûte plus cher. Fait que, vu qu'on gagnait peut-être pas, on gagnait pas des 100 000 là, par année, puis tout. Fait que mes parents, ils nous avaient, comme je leur dis, faut qu'on envoie juste un dans le jeu de 3 mois. Puis, comme moi, j'avais des amis ici qui jouaient, puis que, tu sais, c'était la première année midget aussi, puis on se souhaitait bam-tam, puis là, quand on est monté, tous les deux midgets, mais ça coûte encore plus cher, toutes les années, c'est plus cher quand on monte. On le sait tout. Là, j'avais dit à mes parents nous avaient assis, puis ils nous avaient dit un peu tôt. Fait que j'avais dit, je vais aller jouer avec mes amis. À l'époque, t'es quand même pas mature comme à 21 ans. Là. T'as quoi? T'as 17 ans. T'avais pas de l'amertume ou vraiment tu voyais que Samuel avait quand même une longueur d'avance sur toi? Là, parce que ça prend quand même une certaine maturité pour dire, ben regarde, ça va être Samuel qui va donner la place à Samuel. Je vais donner la place à Samuel. Ça prend une certaine maturité. Est-ce que ça, à l'époque, t'étais quand même un peu amer là, de ça? T'étais-tu un petit peu jaloux, non? Non, je suis pas jaloux. Mon petit frère, je le voyais faire. Là. Je jouais dans le temps de A, lui, puis lui il jouait Pee-wee de A, puis il dominait. Là. Il dominait toute la ligue au Québec en entier quand il jouait défensive. C'est un joueur talentueux. Tout le monde le remarquait. Moi, j'ai pas été jaloux une seule fois de lui. J'étais content pour lui, justement. J'allais le voir jouer, puis il performait, puis c'est ça que je voulais. Là. C'est ça que tout le monde voulait. Moi, je suis encore plus content aujourd'hui parce qu'il a réalisé son rêve. Puis en plus, tu sais, moi, c'est mon rêve aussi, puis c'est le rêve de tous les joueurs de hockey. Puis en tant que c'est mon frère, mais moi, je suis content qu'il l'ait fait parce que tu sais, je me vois comme lui. Là, je le vois être comme il vit aujourd'hui, il est à l'hôtel, il est avec les gars, il voyage en avion, puis tu sais, il m'en parle, puis il m'envoie des photos, puis on parle quasiment tous les jours. Fait que pour moi, je vis le trip aussi, là. C'est sûr que ça doit être très spécial. Comment t'as vécu ça, toi, à Nashville, parce que t'étais là aussi, parce que j'ai parlé avec Tony, mais toi, comment t'as vécu ça, le premier match? Incroyable pareil, hein? J'ai eu des frissons, on a passé par toute la gamme d'émotions, on a pleuré, on a ri, on a sauté... On a tout vécu là-bas. On était acquis comme des rois par Samuel, là. Puis même par l'équipe, là. On était chanceux. On était dans la loge VIP. Puis plein d'affaires de même. On a eu plein de rencontres avec plusieurs joueurs. On est allé visiter le vestiaire des Prédateurs. Fait qu'on a vécu tout un trip. Puis tout ça, c'était tout en famille. Ben oui. Ben Jérémy, félicitations pour ton début de saison avec les Marquis. C'est un beau trip également. Puis félicitations pour ça prend quand même beaucoup d'humilité de laisser la place quand même à son frère puis de l'avouer aussi. Là. Ça prend une certaine sagesse, mais une certaine maturité. Puis félicitations également pour ça. Oui, merci. Puis en passant, toute notre famille a fait des sacrifices en passant par mon grand frère, ma grande sœur, mon père, ma mère qui n'ont jamais voyagé. Puis que eux autres à la Nashville, c'était leur premier voyage. C'est sûr que les payes. On est tous contents de ça. C'est sûr que les payes devaient aller quasiment toutes dans Samuel puis dans le hockey. Là. Fait que les sacrifices, il y en a eu énormément. Yes. Jérémy Girard, des Marquis de Jonquière.